sais pas ce que vous faites dimanche, mais nous, on va bosser. Dimanche, je travaille. Ils ont voté, je vais travailler. Tous les dimanches, je suis pas amer. La loi est souple, rien d'obligatoire. Je suis volontaire, je suis volontaire. Fais gaffe, tu risques une peau de banane si tu n'es pas vraiment volontaire. Ils ont voté, je vais travailler beaucoup plus d'heures supplémentaires. La loi est souple, rien d'obligatoire. Je suis volontaire, je suis volontaire. Fais gaffe, tu risques une peau de banane si tu n'es pas vraiment volontaire. T'avais bien commencé notre petite société à la campagne. Empocher des subventions, elle crée de l'emploi local. Mais malgré les efforts de notre marketing international, notre patron déclara, ce sont nos concurrents qui gagnent. Va falloir bosser plus les gars, vive le travail dominical. Ils ont voté, je vais travailler pendant mes congés maladie. La loi est souple, rien d'obligatoire. Je suis volontaire, je vous le dis. Fais gaffe, tu risques une peau de banane si tu n'es pas guéri dès lundi. Ils ont voté, tu ne prendras pas tous tes congés maternité. La loi est souple, rien d'obligatoire. Mais Rachida l'a inventé. Fais gaffe, tu risques une peau de banane si tu fais trop durer la tétée. Tout était bien négocié car on était tous volontaires pour tout. Faire des heures supplémentaires et même venir bosser le dimanche. On a couché dans l'usine, même malade fallait tenir le manche. Mais le patron insista, nos parts de marché baissent partout. Je suspends mon salaire les gars, mon exemple sera votre atout. Ils ont signé, je vais travailler 3 mois sans solde, je cours ventre à terre. L'accord est souple, rien d'obligatoire. Je suis volontaire, je suis volontaire. Fais gaffe, tu risques une peau de banane si tu n'es pas vraiment volontaire. Ils ont signé, je suis licencié. Économique, je suis pas vénère. L'accord est souple, c'est obligatoire. Je suis volontaire, je suis volontaire. L'indemnité me fera vivre 3 mois. Et après, ce sera la galère. Yorkshire, l'accord est souple, c'est incantatoire. Je suis volontaire, je pars sur l'heure. Nos potes patrons est très astucieux, c'est un grand fan de Madame Thatcher. Ils ont voté, je vais travailler. Je suis pas amer. La loi est souple, rien d'obligatoire. Je suis volontaire, mais putain, c'est pervers. J'ai glissé sur une peau de banane, je n'étais pas vraiment.